Amis humains, bonjour. Du croustillant fait au micro-ondes, les PDG de la Silicon Valley interdisent les téléphones mobiles, smartphones génotoxiques, tablettes graphiques et tactiles à leurs enfants, et ils les mettent dans des écoles sans Wi-Fi. Question, comment Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous autoriser la vente de produits nocifs à des enfants? Les ondes radio ont toujours été dangereuses. Cet article est une mise au point contre tous ceux qui nient les risques avérés des champs électromagnétiques mis en évidence dès les années 50, et contre ces associations qui détournent la vérité pour satisfaire les profits financiers de l'industrie des télécoms. Elle cite en référence des noms érigés en experts qui le plus souvent n'ont jamais monté un seul labo, ou travaillé sur la moindre source micro-ondes. Elle prétend qu'ils sont indépendants de tout groupe de pression, alors qu'ils sont liés à l'industrie et en situation de conflit d'intérêts permanent. Elle prétend vouloir éviter toute concession au sensationnalisme et dénoncer les peurs irraisonnées et la complaisance pour l'irrationnel, alors que leur seul et unique but est d'enrichir encore plus une industrie sans aucune moralité, en méprisant la santé de la population. Attention à toutes ces associations qui prétendent parler de pluralisme journalistique et ou scientifique, car en réalité il s'agit d'associations militantes de l'industrie, qui le plus souvent pratiquent la désinformation. Elles utilisent les mêmes méthodes que le lobby du tabac et de l'amiante. Comment repérer ces associations aux extrémistes militantes de l'industrie qui mentent et désinforment la population en permanence? C'est facile, car avec elles, rien n'est dangereux. L'amiante, les insecticides, les pesticides, le nucléaire, les OCM, les gaz de schiste, rien n'est dangereux. Ceux qui en parlent excitent les peurs, et ceux qui dissimulent la vérité sont surtout des criminels et des psychopathes. On a même vu des membres du lobby nucléaire comparer le plutonium à du sel de table. Dès qu'une autorité ou autre utilise le terme de peur, c'est pour mieux vous manipuler mentalement et dissimuler des vérités gênantes. Affirmer que les ondes sont inoffensives relève du charlatanisme médical. Quand un élu, un expert ou un médecin se permet d'affirmer qu'il n'y a aucun risque quand il sait que c'est totalement faux, alors dans ce cas précis il rentre dans la catégorie des psychopathes. En plus, en cas d'accident, il risque de se retrouver poursuivi en justice pour faute inexcusable et homicide involontaire, surtout dans le cadre d'un accident professionnel. Il faut aussi savoir que même à 10 ou 20 VM on peut être totalement hors norme, car les seuils qui ont été émis par l'industrie n'ont jamais été donnés pour des durées d'exposition permanentes. Il n'y a que les membres de l'industrie et ses complices pour affirmer que les ondes sont inoffensives, les experts officiels, les membres des académies, les cabinets de communication et marketing, les associations militantes de l'industrie, les conspirationnistes qui sont à la solde de l'industrie, les officines d'intelligence économique pour ne pas parler de barbouzes. Dès 1893, le docteur Étienne d'Arsonval démontrait les effets des champs électromagnétiques sur du matériel biologique. Sauf que nos médecins d'aujourd'hui et membres de grandes écoles ne le savent pas, et ne ils connaissent même plus les expériences de Galvani. Contrairement à ce que nous affirment les médecins de l'Académie de médecine ou des autres académies qui ont en plus pour la majorité des liens avec les industriels, vous devez savoir que depuis les années 60, nous avons des consignes de sécurité dans les manuels constructeurs sur les risques sanitaires avérés des sources micro-ondes radio et radar. Et oui, cette antenne de communication, la norme, c'est une distance de sécurité de 4 mètres. On a plein de petits ingénieurs des nouvelles générations formatés par l'establishment, qui nous expliquent que les ondes sont inoffensives pour la santé, c'est évidemment totalement faux. Un bon nombre d'entre eux sont seulement ingénieurs ou électroniciens en informatique. Ils n'ont aucune compétence sur les sources d'émissions radio, radar et satellites. Ils ne connaissent pas les consignes de sécurité des manuels constructeurs. Ils n'ont jamais lu la moindre étude scientifique. Ils ne connaissent pas le syndrome des micro-ondes décrit pourtant depuis les années 70 dans des manuels professionnels aéronautiques et spatiaux. Si en plus ils sont adoubés par un académicien, ça y est, ils s'y croient, ils savent tout. Et pourtant, dès 1970, j'avais des manuels sur divers équipements avec des consignes de sécurité. Sauf que même les médecins du travail ignorent ces consignes de sécurité. Ou ils ne possèdent pas ces manuels, ou quand ils les ont, ils ne les ont jamais ouverts. Plus grave, l'avis 2014-A1 de Lance reconnaît que certaines critiques du CRI-IRM dépassent le champ de compétence de Lance. Il en va ainsi du contrôle de l'application des règles de sécurité en matière de champs électromagnétiques au sein des entreprises. Il est vrai que dans mon cas, je possède plusieurs centaines de manuels constructeurs, qui comportent tous des consignes sécurité sur les risques sanitaires avérés des micro-ondes. L'innocuité des ondes est un hoax, un mythe qui a été propagé par les industriels de la radio et des radars dès les années 40 par Watson Watt notamment, qui est à l'origine de plusieurs dépôts de brevets sur les radars. Il ne pouvait que démentir dans ce cas les risques des ondes. Si vous voulez vérifier la nocivité de votre téléphone portable, de votre smartphone, de votre tablette tactile ou de votre tablette graphique, il y a une solution. Vous mettez une boîte témoin avec des fourmis dans une autre pièce éloignée des sources d'émissions, ce qui vous permettra par la suite de faire une comparaison. Vous collez derrière votre appareil portable une autre petite boîte transparente avec des fourmis à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à déclencher votre chronomètre pour voir combien de temps vos fourmis vont survivre aux bonnes ondes inoffensives de votre gadget préféré quand vous déclencherez une communication. Une autre expérience intéressante à faire, mettez votre borne Wi-Fi ou votre box à tout faire, à côté ou dans une cage avec des moineaux ou des serins. Vous verrez au bout de quelques jours une modification de leur comportement, et que leur durée de vie sera aussi limitée. Les expériences du professeur Madeleine Bastide sur les œufs et de Dirk Adang sur les rats montrent toutes des effets nocifs sur les cobayes, et les opérateurs ne peuvent pas nier ces faits qui sont eux bien réels. L'ex-ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin dénonçait la peur irraisonnée, nous pourrions nous aussi dénoncer le laxisme irraisonné de notre gouvernement quand nous dénonçons les risques sanitaires avérés des micro-ondes. Comme quoi avoir fait les grandes écoles n'est pas un signe de grande compétence dans les domaines des risques technologiques. Que dire de tous ces élus irresponsables qui veulent empoisonner nos gamins et gamines en installant le Wi-Fi dans toutes les écoles? Dès 1998, j'avais alerté par lettre les 577 députés sur les risques avérés des micro-ondes GSM et Wi-Fi qui fonctionnent sur les mêmes fréquences que les fours micro-ondes. À l'époque, il n'y a que 3 députés qui m'ont répondu, pas un seul vert. Comme quoi, nos politiques sont très intéressées par la santé des Français. Des chauffeurs routiers doivent passer des tests psychologiques, sauf nos experts en sécurité sanitaire qui ont pourtant la responsabilité de la santé de 60 millions de Français. Ne pensez-vous pas qu'il y a un gros problème? Plus grave, on se demande pourquoi nos élus et membres du gouvernement ne sont pas eux non plus contraints à passer des tests psychologiques. Un animateur de radio m'a demandé un jour, comment devient-on expert en France? J'ai répondu, c'est très simple, il suffit de dire du bien des produits industriels, même quand ils sont dangereux pour notre santé. Les PDG d'Apple, eBay, Google, Microsoft, Twitter, Yahoo, WeRed, etc., nous sommes à la veille de Noël, voilà ce que vous devez savoir. Le New York Times du jeudi 11 septembre écrivait que de nombreux dirigeants de la Silicon Valley tiennent leurs enfants à l'écart des nouvelles technologies. Nous en connaissons personnellement les dangers. Tous ces PDG de la Silicon Valley sont nombreux à s'être enrichis dans les hautes technologies, mais ils refusent que leurs enfants les utilisent, mais ils font en sorte que les autres les utilisent. Encore plus drôle, ils refusent de mettre leurs enfants dans les écoles équipées de ces hautes technologies. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'elles sont dangereuses pour la santé et le développement de leurs enfants. Et que vont faire les parents français inconscients et irresponsables? Ils vont offrir des tablettes et smartphones génotoxiques en cadeau de Noël à leurs enfants. Et que fait notre gouvernement contre les risques sanitaires des hautes technologies? Eh bien justement, il fait absolument rien, surtout si la corruption permet d'enrichir quelques-uns de nos politiques. Fin de la première partie. À bientôt. Grosse bise numérique.